إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا وعليكم السلام ورحمة الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Donc on est aujourd'hui dans le cours numéro 10 dans l'explication de Umdatul Ahkam. Et on est arrivé au hadith numéro 16. Hadith numéro 16. Et selon les éditions, les différentes éditions, le numérotage des hadiths peut être différent. Comme par exemple dans cette édition ici, la personne qui a publié ce livre, bon, elle a mis les deux numérotations. Ça, c'est une bonne idée. C'est très intéressant parce que tu as la numérotation des hadiths du début du livre jusqu'à la fin, puis tu as la numérotation du hadith par rapport au chapitre. D'accord? Donc, par exemple, ici en rouge, tu as, par exemple, le hadith est 11, là nous on est dans le hadith 16. Bon, le hadith 16 c'est lui, puis en rouge, le hadith al-sadis, parce que dans ce chapitre, c'est le sixième hadith, d'accord? Donc c'est ça, ça c'est un truc, c'est très intéressant, puis je trouve que c'est une bonne idée, parce que comme ça, tu sais exactement combien de hadiths tu as par chapitre. Donc ça facilite la mémorisation lorsque tu veux mémoriser le texte, ok? Tu vas dire par exemple, bon, je vais mémoriser bab al-istitaba wa dukhul al-khala wa al-istitaba. Donc je sais que j'ai 6 hadiths à mémoriser dans ce chapitre, donc je travaille sur ces 6 hadiths là. Et après tu vas dire, bon, bab al-siwak, le chapitre au sujet du siwak, eh bien, il y a 4 hadiths, tu vois. Donc, tu sais que tu as 4 hadiths. Al-Mas' al-Khufayn, il y a 2 hadiths. Donc, et ainsi de suite, tu vois. Donc, ça donne l'impression que c'est moins lourd, hein, pour apprendre. Donc, je trouve que ça, c'est un truc très intéressant, très, très bénéfique. Si vous voulez suivre dedans aujourd'hui, ça, si c'est vous voulez... Inch'Allah, il y a celui-là aussi. Attends, je vais trouver la page exacte. Comme ça, tu auras moins de difficultés. Hadith 16, on a dit. Bon, c'est les chiffres arabes, est-ce que c'est le même? Des fois, c'est ça, je disais tout à l'heure. Ici, dans celui-là, c'est 18, le hadith 18. Parce que parfois, l'auteur, il ramène plusieurs versions du même hadith. Dans certaines versions, il numérote les différentes versions qu'il ramène. Et dans d'autres éditions, il numérote que le premier. Et les autres versions du même hadith, il ne les numérote pas. Hein? Comme par exemple, s'il y a le hadith, par exemple, numéro... comment je pourrais donner comme exemple ? Il y a un bon exemple de ça, je crois que c'était le hadith attends, je vais vous donner un petit exemple de ça. Non, le hadith 10, le hadith numéro 10, il y a deux ou trois versions différentes, ou trois parties du hadith qui sont rajoutées de différentes versions. Donc, dans certaines éditions, ils vont le numéroter une fois. Dans d'autres éditions, ils vont numéroter trois fois, comme si c'était trois hadiths différents. Bon, ça c'est un détail. Bon, revenons au hadith numéro 16, qui est le dernier hadith dans le chapitre, ou dans la partie au sujet du yani de comment on va aux toilettes, comment les règles au sujet d'aller, comment aller aux toilettes et comment se nettoyer et se purifier. Le dernier hadith c'est An Abdillah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. Et si vous voyez qu'il y a une différence dans le hadith, dites-moi. OK, إنما يعذب لا يعذبان إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. Parce que dans une autre version ça dit بل هو كبير, وما يعذبان في كبير بل هو كبير. Mais dans la version ici il n'y a pas cet ajout là. Donc, ça dépend des fois des versions. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. رواه البخاري ومسلم. Donc ça c'est le hadith numéro 16 qui signifie que c'est rapporté selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé auprès de deux tombes. Et il a dit à propos de ces deux tombes que les deux étaient châtiés dans leur tombe. Et qu'ils n'étaient pas châtiés pour quelque chose de grand, ou quelque chose, c'est-à-dire le péché qu'ils ont fait, chacun d'entre eux, c'était pas quelque chose qui était considéré par les gens comme étant quelque chose de grand comme péché. Ok? Un d'entre eux, quand il allait uriner, il se protégeait pas contre les gouttes, ou contre les éclabousseux d'urine. Donc, il se protégeait pas, il se couvrait pas contre l'urine lorsqu'il allait uriner. Tandis que l'autre, il marchait en propageant des rumeurs et en faisant de la médisance. D'accord? Il faisait ce qu'on appelle en arabe un namima. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une branche comme un genre de palme, de roseau, hein, les branches des palmiers, là, on appelle ça des roseaux. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un roseau, il l'a coupé en deux, hein, il l'a séparé en deux, et il a planté dans chacune des tombes une branche de roseau dans la terre. D'accord? Et les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, pourquoi as-tu fait ça? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, pour que cela rabaisse leur châtiment, ou diminue, ou allège, hein, yukhafif, c'est-à-dire que ça allège leur châtiment tant que la branche n'a pas séché, ou tant que le roseau n'a pas séché. Ma'alam yaibasa. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Maintenant, les termes du hadith qui sont expliqués par le cheikh ici. Le premier, c'est innahuma la yu'azzaban. Hein, ça c'est la forme duel, hein, pour dire pour deux personnes. Innahuma la yu'adhaban, c'est-à-dire tous les deux se font châtier. Le cheikh il dit al-murad yu'adhab يعني من فيهما من إطلاق اسم المحل على الحال على الحال فيه على الحال فيه donc إنهما لا يعذبان. C'est comme si le cheikh il disait ces deux tombes sont châtiées, mais il veut pas dire que ce sont les tombes qui sont châtiées, mais plutôt les gens qui sont dans ces tombes. Et c'est comme si il parle des tombes pour désigner ceux qui sont dedans. Donc c'est ça ce que le cheikh explique en premier. Deuxièmement, il dit wala yastatiru min al baul, hein, la yastatiru min al baul bitta'ain yastatir ay la yaj'al sitratan taqihi min baulihi wa ruya la yastabri'u. Donc la yastatir, ça vient de sutra ou sitra, hein, sutra ça veut dire prendre quelque chose qui va faire comme une barrière ou empêcher les soit l'urine ou les éclabousseux de l'urine de revenir sur toi puis de salir tes vêtements ou de mettre de l'impureté sur toi. Donc la personne elle urinait mais elle se préservait pas de son urine. Et dans une autre version, au lieu du terme yastatir, c'était le terme yastabri, et les deux sont utilisés dans le même sens. Le point numéro 3, yamshi bin namima, c'est-à-dire yanqul kalam al-ghayr bi qasd al-idrar. Al-namima, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu transmets ou tu rapportes à quelqu'un d'autre une parole de quelqu'un, mais dans le but de nuire. Dans le but de nuire ou de faire du mal. Donc si par exemple tu sais par exemple que quelqu'un a dit quelque chose de négatif sur quelque chose ou sur quelqu'un, toi tu veux faire du tort à cette personne, alors tu vas voir l'autre personne puis tu lui dis un tel il a dit telle chose, hein, contre toi ou sur toi. Ça c'est un namima. Le point numéro 4, فأخذ جريدة يعني عصيب النخل الذي ليس فيه سعف. Donc c'est ça, le jarida c'est les roseaux des palmiers, c'est sur les palmes là il y a des branches, ben c'est il y a des feuilles, il y a des branches, c'est ça qu'on appelle les roseaux. فغرز بالزاي رواه مسلم بالسين أي غرس. Donc غرز ça veut dire planter. Et dans une autre version de l'imam muslim, c'est le mot gharasa. Au lieu de za, c'est avec le sin, au lieu de zay. Et les deux ont la même signification. Ok? Ghara, gharasa. Ou gharasa. Il dit, wa qala Abu Mas'ud, mawdi'u al-gharas, kana bi'iza'i al-ra's, thabata bi'isnadin sahih. Donc, Abu Mas'ud, il dit, que l'endroit de la tombe où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait planté les roseaux, c'était au niveau de la tête, au niveau de la tête dans les tombeaux. Ok? Donc ça c'est rapporté, le cheikh il dit que ça c'est confirmé par une narration authentique, avec une chaîne de transmission authentique. Ok. المعنى الإجمالي للحديث. Donc la signification globale du hadith. Le cheikh il explique, il dit مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه بقبرين فكشف الله سبحانه وتعالى له عنهما فرأى من فيهما يعذبان فأخبر أصحابه بذلك تحذيرا لأمته وتخويفا فإن صاحبي هذين القبرين يعذب كل منهما بذنب يسير تركه والابتعاد عنه لمن وفقه الله لذلك. أي نعم. Donc c'est ça. Le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé avec quelques-uns de ses compagnons auprès de deux tombes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il y avait à l'intérieur de ces deux tombeaux-là. Donc il les a vus dans les deux tombes, il a vu les deux hommes en train de se faire châtier. Ça, c'est Allah qui lui a révélé ça. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît pas le ghaib, il ne connaît pas l'invisible. Mais c'est Allah qui lui permet parfois de voir certaines choses ou de connaître certaines choses du ghaib. Hein? Et dans ce cas-là, il le sait. Mais ce n'est pas yani, automatique. Après, il dit donc qu'il les avait en train de se faire châtier. Alors, il a dit ça à ses compagnons. Et il leur a dit dans le but d'avertir sa umma. Et en même temps, de leur faire avoir la crainte hein, de qu'est-ce qu'il y a dans la tombe, qu'il y a un châtiment dans la tombe. Donc, il dit que les deux hommes qui étaient dans ces tombeaux-là, dans ces tombes-là, ils étaient en train de se faire châtier. Et les choses pour lesquelles ils étaient en train de se faire châtier, ce sont des péchés qui sont faciles à abandonner ou à délaisser. Ça, c'est une des explications qui a été donnée par rapport au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَا يُعَذَّبَانِ وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. C'est-à-dire, ils ne se font pas châtier pour quelque chose de grave. Dans le sens que c'est facile de délaisser ce péché-là. Ce n'est pas quelque chose qui est très dur à laisser tomber ou à s'en écarter. L'humain waffaqahu Allah. Aussi c'est que parfois, des fois, les gens peuvent considérer ou penser qu'un péché est petit. Ah, c'est pas si grave que ça. Mais des fois, c'est une erreur de penser comme ça parce que peut-être qu'un péché, tu le vois petit, mais pour Allah, il est grave. Hein? Donc, il ne faut pas, comme les ulama ils disent, regarde pas yani, la petitesse de ton péché, mais plutôt regarde la grandeur de celui à qui tu désobéis. Hein? Après, le cheikh, il a dit, فَأَحَدُ الْمُعَذِّبَيْنِ لا يحترز من بوله عند قضاء حاجته ولا يحتفظ أو لا يتحفظ منه فتصيبه النجاسة فتلوث بدنه وثيابه. Donc le premier des deux qui se font châtier, il ne se protège pas de l'urine lorsqu'il fait lorsqu'il va uriner. Donc il ne se préserve pas. Donc l'impureté tombe sur lui ou sur ses vêtements, et à cause de ça, c'est son corps et ses vêtements sont pollués ou impurs. Et le résultat de ça, c'est grave parce que tu risques de faire la salat, puis après ta salat sera pas acceptée à cause de ça. Donc c'est une conséquence grave. Et il dit « وَالْآخَرْ شَيْطَانٌ يَسْعَى بَيْنَ النَّاسِ بِالنَّمِيمَةِ التي تسبب العداوة والبغضاء بين الناس لا سيما الأقارب والأصدقاء يأتي إلى هذا فينقل إليه كلام ذاك ويأتي إلى ذاك فينقل إليه كلام هذا فيولد بينهما القطيعة والخصام. Donc le cheikh il dit que l'autre qui était en train de se faire châtier dans sa tombe, eh bien il se il allait entre des différentes personnes pour créer de l'animosité et de la haine entre les gens, surtout entre les proches qui sont des gens de la même famille ou bien des amis. Alors il entend des choses et il va les rapporter aux autres. Hein? Un tel il a dit sur toi telle chose, un tel il a dit de toi telle chose, et donc il ramène cette parole là à l'autre dans le but de créer de la haine et de l'animosité. Donc ça c'est interdit, c'est un péché pour les femmes et pour les hommes. Hein? Et donc ça c'est quelque chose qui amène comme conséquence que les gens coupent les liens de parenté à cause de ça par la suite. Hein? Parce que les gens vont dire, ah, s'il a dit ça sur moi, ça y est, je ne veux plus lui parler jamais. Ou bien, si c'est des amis, ben, ils vont se disputer ou bien ils ne vont plus vouloir se parler après. Donc, ça ramène du mal. Et le cheikh il dit والإسلام إنما جاء بالمحبة والألفة بين الناس وقطع المنازعات والمخاصمات. Donc le cheikh il dit que l'islam est venu avec l'amour et l'affection entre les gens, le fait d'être rapprochés, d'être ensemble, hein, et non pas de propager des rumeurs comme ça, ou bien de parler sur les gens, de propager des médisances entre les gens. Ça, c'est quelque chose qui est très grave et très dangereux. Et l'islam, au contraire, nous appelle à couper les désaccords entre nous et à cesser les désaccords entre nous et les disputes, et à s'accorder, hein, à être en harmonie ensemble. Donc c'est ça ce qui se passe. Et des fois, bon, on sait qu'à notre époque, il y a certaines manifestations de ça, ça devient parfois très grave, parce que des fois, les gens, ils vont parler sur d'autres, et puis ils essaient de faire passer ça comme si c'était correct. Parce que on sait que des fois les gens ils vont parler, ils vont dire quelqu'un m'a dit telle chose à propos de quelqu'un. Mais il faut pas que tu le dises. Donc je te le dis à toi, mais dis-le pas à personne. Alors la personne elle lui dit, lui il prend cette information, il s'en va voir une autre personne, puis il lui dit on m'a dit telle chose. Mais je te le dis à toi, mais dis-le pas à personne aussi. Donc, lui, il dit ça. Après, il dit à une autre personne. Et l'autre, il dit à une autre personne, puis il dit, dis-le pas à personne. Et l'autre, il le dit à une autre personne, il dit, dis-le pas à personne. Et à la fin, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant parce que tout le monde le dit à l'autre, mais il dit à l'autre de pas le dire. Et à la fin, tout le monde le sait. Donc ça devient de la médisance. Et le but, si c'était un secret, si quelqu'un t'a dit une information puis que c'est quelque chose qui est secret, tu ne dois pas le dire. Et si ce secret, c'est de la médisance, ben c'est encore pire. Tu devrais dire à la personne, je ne veux pas le savoir. Si tu vas me dire des choses négatives sur quelqu'un ou parler sur quelqu'un, je ne veux pas le savoir. À moins que si c'est une mise en garde contre un innovateur, hein, qui propage de la bid'a ou qui fait de l'égarement ou qui est une personne pas bonne et tu veux avertir quelqu'un pour que la personne soit pas dans des ennuis à cause de ça. Donc tu mets en garde contre la personne et que tu dis des choses vraies, hein. Ça c'est quelque chose au contraire, c'est parfois obligatoire de le faire. C'est pas de la médisance, ça. Hein. Et comme les ulama ils disent pour les jeunes bid'a, il n'y a pas de médisance dans ce cas-là. Parce que tu mets en garde contre des égarés ou contre des égarements pour préserver les musulmans et pour les protéger de l'égarement. Donc dans ce cas-là, ça c'est pas de la médisance. Et il y a des gens, parfois, ils confondent entre les deux. Des fois, ils mélangent les cas. Ils prennent la nasiha, ils la prennent pour une médisance, et la médisance, ils la prennent pour une nasiha. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme par exemple, lorsque les gens de bid'a mettent en garde contre quelqu'un qui est sur la sunna. Ça rentre dans la médisance. Et ça rentre même pas juste... C'est pire que de la médisance parce que tu obstrues le chemin d'Allah et tu les empêches, il y en a, de connaître la vérité. Donc, quand quelqu'un, par exemple, qui dit aux musulmans « Écoutez pas Cheikh Al-Fawzan, écoutez pas Cheikh Ibn Uthaymeen, écoutez pas Cheikh Al-Albani, écoutez pas Cheikh Ibn Baz, écoutez pas Cheikh Rabi', écoutez pas Cheikh Mohamed Aman, Al-Jami, écoutez pas un tel et un tel parmi les ulama », Ça c'est très très très grave, parce qu'ils obstruent le chemin d'Allah et ils empêchent les gens de retourner aux ulama de la sunna. Donc ça c'est juste un petit point que je voulais mentionner en passant. Le cheikh il dit ensuite والإسلام إنما جاء بالمحبة, donc l'islam est venu avec l'amour, والألفة, c'est-à-dire le rapprochement et l'amour entre les gens, وقطع المنازعات والمخاصمات, et pour annuler, arrêter les conflits et les disputes. ولكن الكريم الرحيم أدركته عليهما الشفقة والرأفة فأخذ جريدة نخل رطبة فشقها نصفين وغرز على كل قبر واحدة فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل الغريب عليهم فقال لعل الله يخفف عنهما ما هما فيه من العذاب ما لم تيبس أو نعم ما لم تيبس هاتان الجريدتان. Donc le cheikh il dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est noble et qui est miséricordieux pour sa umma, il a eu de la pitié pour ces deux hommes qui se faisaient châtier, et il a eu pour eux de la compassion, hein, de la compassion puis de la concupiscence. Donc il a eu envie de faire quelque chose pour alléger leur châtiment. Alors il a pris ses feuilles de palme, hein, ses roseaux, et les a plantées dans la tombe de chacun d'entre eux, les deux qui se faisaient châtier dans leur tombe. Et le but, c'est comme on a dit, quand les sahaba ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi il a fait cette action étrange, quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu avant, il a dit, il y en a pour que Allah subhanahu wa ta'ala adoucisse ou allège leur châtiment, tant que ces deux roseaux n'ont pas séché. Donc tant que les deux roseaux n'ont pas séché, leur châtiment va être allégé. Maintenant, on va parler de qu'est-ce que les ulama ont dit là-dessus et les divergences qu'ils ont eues entre eux par rapport à cette question-là, par rapport à ce hadith. اختلاف العلماء اختلف العلماء في موضع الجريدة على القبر فذهب بعضهم إلى استحباب وضع الجريدة على القبر لأنهم جعلوا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا عاما والعلة عند هؤلاء مفهومة وهي أن الجريدة تسبح عند صاحب القبر ما دامت رطبة. Donc il dit, le cheikh, que les savants ont divergé au sujet de mettre des roseaux sur les tombeaux. Est-ce que c'est permis ou non? Certains des ulama ont dit que c'est recommandé de mettre des roseaux sur les tombes. Et eux, ils ont pris comme exemple que l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith-là, c'est une forme de législation. C'est-à-dire qu'en mettant ces feuilles de roseau sur les tombeaux, c'était pour dire que ça, c'est permis de le faire pour tout le monde. Hein, eux, ils ont compris ça comme ça. Ils disent que, yani, tant que les roseaux sont placés sur les tombeaux, ces roseaux vont glorifier Allah, vont faire du tasbih, hein, vont célébrer les louanges d'Allah sur la tombe de ces deux hommes. Et donc, tant que les deux branches restent sèches, elles vont continuer à faire ça. Ça, c'est une explication qu'ils ont donnée. فَلَعَلَّهُ يَنَالُهُ مِنْ هَذَا التَّسْبِحِ مَا يُنَوِّرُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ. C'est-à-dire que c'est probable que, d'après le cheikh, qu'est-ce qu'il dit, c'est que, dans le sens que ça se pourrait que une partie de cette glorification, de ces louanges, atteigne la personne qui est dans cette tombe-là, puis que sa tombe soit illuminée à cause de ça. Donc ça, c'est une explication, c'est une compréhension de certains ulama. Il dit « وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ عَدَمِ مَشْرُوعِيَةِ ذَلِكِ لِأَنَّهُ شَرْعُ عِبَادَةِ وَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ دَلِيلٍ وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ مَا يُثْبِتُهُ. » Certains savants ont considéré que ce n'était pas légiféré de mettre des feuilles de palme de façon générale dans l'islam, que ce n'est pas permis, tu n'as pas le droit de faire ça pour d'autres, il y a un exemple, et prendre l'exemple, tu n'as pas le droit de prendre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là, puis de faire la même chose que lui pour quelqu'un d'autre. Il dit pourquoi? Parce que pour faire ça, yani, ça, ça prend un dalil général. Mais ici, dans, dans ce hadith-là, on n'a pas un hadith qui prouve la, que c'est légiféré de le faire pour tout le monde. Yani, ça, ça fait partie de l'adoration. Donc, ça prend une preuve claire et explicite qui prouve que c'est permis. Na'am. Après, le cheikh, il dit, « Amma, hadhihi al-qadiyya ayn, wa hikmatuha majhoula, wa lihada lam yaf'alha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma'a ghayri sahabi hadhayn al-qabrayn. » Une des raisons pourquoi ce n'est pas permis de le faire pour d'autres, c'est la raison suivante. C'est que c'est une histoire qui s'est produite une fois. Et la raison ou la sagesse derrière ça, elle est inconnue de nous. On ne sait pas pourquoi vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis ses feuilles de palme. Et on sait par contre qu'il ne l'a pas fait pour d'autres sahabis qui sont morts, qui sont enterrés. Donc, ça, c'est une preuve pour dire que tu ne peux pas te baser là-dessus pour le faire pour tout le monde. Le cheikh, il dit, « وَكَذَلِكَ لَمْ يَفْعَلْهُ مَنْ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدٌ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ بُرَيْدَ ابْنُ الْحُصَيْبِ وَمَا مِنْ أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ عَلَى قَبْرِهِ جَرِيدَةً. » Donc, il dit que aucun d'entre les sahaba a fait ça après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun d'entre les sahaba n'a fait ça d'entre les sahaba, excepté ce qui a été rapporté selon Buraïda ibn al-Husayb que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait enjoint de faire de mettre sur, ses, sur son tombeau deux branches de roseaux, ou deux feuilles de roseaux. Donc, à part cette narration-là, il n'y a rien d'autre qui vient prouver ou justifier que ce soit fait sur la tombe de quelqu'un. Amma at-tasbih fala yahtassu bir-ratb dun al-yabis. Wallahu ta'ala yaqul wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Donc le cheikh il dit également, il n'y a pas de preuve pour dire que le roseau qui est frais, encore frais, est plus particulier pour glorifier Allah que le roseau qui est séché. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Isra, le verset 44, que toute chose glorifie Allah subhanahu wa ta'ala dans sa louange. Donc ce n'est pas spécifique à une branche qui est fraîche ou humide, mais c'est général pour une branche qui est sèche ou qui n'est pas sèche. Donc il n'y a pas de preuve pour dire que la branche elle glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite ils ont dit لو فرضنا أن الحكمة معقولة وهي تسبيح الجريد والجريد الرطب فنقول تختص بمثل هذه الحال التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عند هذين القبرين وهي الكشف له عن عذابهما وقال القاضي عياض علل غرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله لا يعذبان فلا يتم القياس لأن لا نعلم حصول العلة. Donc le cheikh il dit, puis ensuite ils ont dit, si on supposait que la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça, la sagesse derrière, c'est une sagesse qui est raisonnable et qu'on peut comprendre par la raison, hein, qui est logique. Eh bien, si on dit que c'est parce que le roseau, il glorifie Allah quand il est pas sec, quand il est humide, alors dans ce cas-là, on peut dire que Dans ce cas-là, il faudrait dire que c'est quelque chose qui est particulier à cet état-là. Hein? يعني تختص بمثل هذه الحالة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عند هذين القبرين. Donc vous dites que ça c'est quelque chose de particulier à ces deux tombes-là. وهي الكشف له عن عذابهما. Donc ça c'est particulier à ces deux tombeaux-là. Pourquoi? Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم, Allah سبحانه وتعالى lui a fait savoir qu'est-ce qui se passait à ces deux compagnons-là dans ces deux tombes-là à ce moment-là. Mais c'était pas quelque chose de général. قال القاضي عياض علل غرزهما على القبر بأمر يعني مغيب. C'est-à-dire que le قاضي عياض il dit la raison, la sagesse derrière le fait de planter ces roseaux séchés, pardon, qui n'ont pas séché encore, c'est une raison qui est inconnue de nous. C'est-à-dire que on n'a pas été informé pourquoi. Et lorsqu'il dit la yu'adhaban, donc on ne peut pas faire d'analogie parce que dans le hadith on dit et tous les deux sont châtiés. فلا يتم القياس لأن لا نعلم حصول العلة. C'est-à-dire on ne peut pas dire que c'est, on ne peut pas faire d'analogie. Parce que la raison, la sagesse, on n'est pas certain qu'elle était présente. Et pour qu'on puisse faire une analogie entre deux choses, il faut que la raison qui est en commun entre les deux choses, on soit certain qu'elle soit présente entre les deux. Okay? Parce que l'analogie, c'est quoi? L'analogie, c'est de prendre une base puis une branche. Et dans la base, c'est-à-dire dans la preuve, la raison, la chose qui est reliée à une preuve, il y a une raison qui est claire à son sujet, qui nous explique pourquoi elle a le verdict, la chose en question a tel verdict. Tandis que dans la branche qui découle de cette base-là ou de cette preuve-là, la chose qui n'est pas supportée ou clarifiée par une preuve directe, eh bien, elle n'a pas de raison claire, on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire, mais elle a quelque chose la raison, elle a quelque chose en commun, on a déduit qu'il y a une ressemblance entre les deux cas. Donc, on dit dans ce cas-là, on peut faire une analogie entre les deux parce qu'il y a quelque chose en commun qui les relie. Mais ici, il n'y a aucun moyen de savoir qu'il y a quelque chose qui les relie. Le premier, c'est parce qu'il avait des gouttes d'urine, et le deuxième, c'est à cause de. Il y a les médisances, là, puis colporter les paroles, et on dit que les deux roseaux, tant qu'ils sont frais, ils vont être allégés dans leur châtiment. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui fait que les roseaux qui sont plantés dans la terre, qu'est-ce qui fait que ça va diminuer leur péché. On ne sait pas vraiment la raison. Si tu dis que c'est parce qu'ils étaient frais, puis quand ils étaient frais, ils glorifiaient Allah, ou faisaient des louanges d'Allah. Il n'y a pas de preuve de ça. Puisque même quand ils sont séchés, ils glorifient Allah, ils peuvent glorifier Allah aussi. Oui, des fois, bon, ici, il y a des arbres, pas partout. Dans certains pays, il n'y a pas d'arbres dans les cimetières. Mais ça voudrait dire quoi? S'il y a des arbres, est-ce qu'ils ne vont pas être châtiés? Tu vois? Donc il y a des ulama qui ont dit que ça c'est une bid'a, c'est-à-dire que si quelqu'un le fait, c'est une bid'a, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas dit de le faire aux autres sahaba, puis il n'a pas expliqué pourquoi non plus il l'a fait, puis il n'a pas dit que si les autres le font, eux aussi ils vont être diminués dans leur châtiment. Donc tu n'as pas de preuve pour le faire, donc dans ce cas-là fais-le pas. Yann. الشيخ الزما يؤخذ من الحديث كيف كون peut tirer de ce hadith là. Il mentionne 6 choses, 6 points. On va les lire rapidement. Premièrement, إثبات عذاب القبر كما اشتهرت به الأخبار وهو مذهب أكثر الأمة. Donc premièrement, on affirme le châtiment de la tombe comme ça a été mentionné dans les narrations, et ça c'est la voie ou la position de la majorité de la Ummah, contrairement au Mu'tazila. Eux, le Mu'tazila, ils ne croient pas au châtiment de la tombe. Et la raison pourquoi ils le renient, c'est qu'ils ramènent des shubuhat. Ils disent, les hadiths qui parlent du châtiment de la tombe, c'est des hadiths ahad. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas rapportés par un grand, grand, grand nombre. Alors que la vérité, c'est que non, c'est des hadiths qui ne sont pas ahad, qui sont mutawatir. C'est-à-dire qu'ils sont rapportés par un grand nombre de rapporteurs. Il y a plusieurs hadiths qui le mentionnent. Donc, leur argument est mensonger, est faux. Ça, c'est de un. Deuxième argument, c'est qu'ils disent que yani, c'est pas possible que quelqu'un soit dans la terre puis qu'en même temps il soit châtié, parce que quand on creuse dans une tombe, dans un cimetière, ou quand on touche à la terre, ou quelque chose comme ça, on ne va pas sentir de chaleur, ou on ne va pas voir yani, un châtiment concret. Donc ça veut dire pour eux que ça, c'est pas vrai, le châtiment de la tombe. Ça, c'est comme s'ils essaient d'utiliser la logique. Dans le sens qu'ils vont faire des analogies entre l'au-delà ou le barzakh et qu'est-ce qui se passe dans cette vie d'ici-bas, comme si les deux mondes étaient le même. Et ça, c'est ridicule. Puisqu'on sait très bien que c'est pas parce qu'on voit pas l'état de qu'est-ce qui se passe dans le barzakh, c'est-à-dire dans la tombe ou entre les gens qui sont dans la vie d'ici-bas puis l'au-delà, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai ou que ça n'existe pas. Parce que c'est une autre dimension, une autre réalité qu'on ne peut pas concevoir ou voir réellement. Donc, on ne doit pas le nier pour ça. Deuxièmement, « عدم الاستبراء من النجاسات سبب في هذا العذاب فالواجب الاستبراء منها فالحديث يدل على أن أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية ويؤكد ذلك ما رواه الحاكم وابن خزيمة وهو يعني أكثر عذاب القبر من البول قال ابن حجر وهو صحيح الإسناد. Donc le cheikh il dit que de ne pas se préserver des impuretés, c'est une cause du châtiment, et que c'est obligatoire de se préserver des impuretés. Et dans le hadith il y a la preuve que yani, par rapport au châtiment de la tombe, eh bien que l'urine elle a quelque chose de particulier par rapport au châtiment de la tombe, comme c'est rapporté dans le livre de hadith recueilli par l'imam Hakim et Ibn Khuzaymah. Il a dit que le châtiment de la tombe, ça vient de l'urine, des gouttes d'urine que la personne a laissé tomber sur ses vêtements, ou les éclaboussures. Lorsqu'il a uriné, les éclaboussures sont venues sur son vêtement, il ne s'est pas préservé de ça, donc à cause de ça, il aura un châtiment dans sa tombe, et ça c'est une chaîne de transmission qui est authentique. Le cheikh il mentionne également que Ibn Hajar a déclaré la chaîne de transmission comme étant authentique par rapport à cette narration-là. Le point numéro 3, تحريم النميمة بين الناس وأنها من أسباب عذاب القبر. L'interdiction de colporter la médisance et de rapporter aux autres des paroles que d'autres personnes ont mentionnées, et que ça fait partie des causes pour être châtié dans la tombe. Le point numéro 4, رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحرصه على إبعاد الشر عنهم. La miséricorde du prophète صلى الله عليه وسلم, ça c'est le point numéro 4, la miséricorde du prophète صلى الله عليه وسلم et de ses compagnons et de son effort pour éloigner de le mal. D'éloigner. Et le prophète Sansan voulait toujours éloigner le mal de ses compagnons. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que le mal ne touche pas à ses compagnons et à ceux qui sont autour de lui. Le point numéro 5, As-sitru ala dhunub wal-uyub. Fa'innahu lam yusarrih bismi sahib al-qadrain wa la'allahu maqsoud. Donc le cheikh il dit Comme point numéro 5, ce hadith nous indique qu'il faut couvrir les péchés et les défauts du musulman. Que si quelqu'un parmi les musulmans a commis un péché ou des fautes, et que ces péchés et ces fautes, c'est entre elle et Allah, eh bien, il faut la couvrir, cette personne. Il faut la couvrir et pas dévoiler son péché aux gens. Les péchés que la personne a fait entre elle et Allah, c'est pas les péchés que quelqu'un a fait qui impliquent du mal que quelqu'un a fait à une autre personne. Parce que ça, dans ce cas-là, ça dépasse la limite, ça devient de la transgression. Mais si, comme par exemple, quelqu'un appelle à une bid'a ou fait la da'wa à l'égarement, ou fait la da'wa des khawarij, du takfir ou terrorisme, il veut mettre une bombe quelque part pour tuer des innocents, tuer des gens, puis toi tu dis, ah ben moi je couvre le musulman, je veux pas le dénoncer ou je veux pas... C'est pas ça que le hadith dit, de ne pas couvrir le musulman dans des situations comme ça. Au contraire, ça c'est obligatoire de dénoncer la personne, puisqu'elle veut faire du mal à d'autres personnes. Mais si la personne elle fait un péché entre elle et Allah, et que tu l'attrapes en train de faire ce péché-là, tu vas pas aller voir les gens puis dire, « Ah, j'ai vu un tel, en train de faire tel péché, yani, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. » Là, yani, tu l'as complètement... Tu l'as complètement cassé, ce frère-là. Tu l'as complètement fait tomber. Si tu agis comme ça par la suite, c'est possible que la personne s'égare encore plus. Parce que là, elle va être comme tellement... comme si elle va tellement être mal devant les gens qu'elle va se dire en elle-même, si c'est comme ça, que j'avais fait quelque chose de mal, puis là maintenant tout le monde le sait, dans ce cas-là, je vais continuer. Je ne veux pas m'arrêter, je veux continuer. Ça sert à quoi maintenant? Tandis que si tu attrapes la personne, tu lui fais nasiha, tu lui dis ça c'est pas correct, yahi, puis tu le gardes entre toi et elle, et Allah, puis tu lui dis repens-toi, cesse de le faire, puis la personne a dit non, t'as raison, c'est vrai, je vais arrêter, là, je vais cesser de faire ça. Dans ce cas-là, tu ne dois pas aller dévoiler son péché aux gens. Puisque tu es en train de lui briser le dos en agissant comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, « Man satara musliman, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. » Celui qui couvre un musulman, Allah va le couvrir dans la dunya et dans l'au-delà, au jour de la résurrection. نعم. Le point numéro 6, قوله ما يعذبان في كبير أي بسبب ذنب كبير. تركه عليهما. نعم. بسبب ذنب كبير تركه عليهما. فإن ترك النميمة والتحرز من البول ليس من الأمور الصعبة ليس من الأمور الصعبة الشاقة وقد كبر عذابهما لما يترتب على يعني فعليتهما من المفاسد. Donc le cheikh il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grand, c'est-à-dire ils ne sont pas châtiés à cause d'un grand péché. Dans le sens que c'est pas que c'est pas un grand péché, c'est un grand péché. Mais ils sont pas en train de se faire châtier pour un péché qui est grand, dans le sens que c'est qu'un péché qui est difficile à abandonner. Non, c'est pas vrai. Le péché en question, il est facile à abandonner. C'est-à-dire, c'est pas difficile à pas le faire, ou à te préserver contre ce péché-là, puisque la seule chose que tu as à faire, c'est de pas faire namima, de te préserver. Et de te couvrir lorsque tu fais tes besoins, lorsque tu vas uriner ou autre. Ça, c'est pas des choses difficiles de faire ça. Et le châtiment qui découle de ces péchés-là, c'est des conséquences graves. Puis ça ramène du mal. Et un autre point, c'est la al-fa'ida, un point bénéfique par rapport à cette question. Il dit اختلف العلماء في انتفاع الميت بعمل الحي حينما يجعل الحي ثواب قربته البدنية أو المالية إلى الميت فقال الإمام أحمد الميت يصل إليه كل خير للنصوص الواردة فيه أما ابن تيمية فقد نقل عنه في ذلك قولان أحدهما أنه ينتفع بذلك باتفاق الأئمة والثاني أنه لم يكن من عادة السلف إذا فعلوا إحدى القربات تطوعا أن يهدوا ذلك لموتى المسلمين واتباع نهج السلف أولى. Le cheikh il dit que pour les points bénéfiques par rapport à ce hadith que les ulama ont divergé au sujet de qu'est-ce qui a été dit sur le fait de profiter que le mort profite des actions des vivants, les bonnes œuvres que les vivants font. Est-ce qu'ils peuvent en profiter? Comme si, par exemple, je fais des bonnes actions, est-ce que je peux donner la récompense de ces bonnes actions-là à des morts? L'imam Ahmad, il a dit, celui qui est mort, il est touché ou il est relié à tout ce qu'on fait de bien pour lui. Il en profite selon l'accord des imams de l'islam. C'est-à-dire en son nom, oui. Si la personne fait quelque chose au nom de la personne qui est morte, des bonnes œuvres, est-ce que la personne sera récompensée si la personne, on lui offre la récompense de cette action-là? Donc la première réponse, c'est de dire que c'est permis de le faire. Et la deuxième position, c'est أنه لم يكن من عادة السلف donc ça ne fait pas partie des habitudes des salafs de faire ça. Et s'ils faisaient une des actes d'adoration, c'est ça, les salafs ne donnaient pas la récompense de ces actions-là aux morts. Ils ont fait l'ihda al-qurubat. Ça ne fait pas partie de leurs exemples de donner la récompense à un mort ou de l'offrir à quelqu'un qui est mort. وذكر ابن تيمية أن الأخبار قد استفاضت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وسروره بالسار منها وحزنه للقبيح. Donc le cheikh il dit que c'est mieux de suivre la voie des salafs, et il a dit que l'imam As-San'ani a dit que c'est permis d'offrir des œuvres à un mort, quand il a fait des bonnes œuvres comme le sacrifice ou des choses comme ça, c'est permis d'offrir des bonnes œuvres à un mort. En ce qui concerne les autres actions, autres que l'offrande, ou le fait d'égorger un animal, et aller pour Allah subhanahu wa ta'ala, dit, en dehors de ça, les autres actes d'adoration, il y a une divergence. Pour les autres actions, il y a une divergence. Il dit, et la vérité, c'est que les autres actions rentrent là-dedans aussi. Ça fait partie aussi de ces actions-là qu'on peut les faire puis les donner à d'autres. Donc il y a divergence. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Ibn Taymiyyah, il a dit que les informations qui ont été rapportées à ce sujet-là, au sujet des morts et de la situation des morts et de leur famille et de leurs compagnons dans cette vie d'ici-bas, de même que donc c'est-à-dire que le mort, il a ces informations-là aussi, ça le touche, ça touche au mort. Et il se réjouit avec les informations réjouissantes. Et lorsque c'est des informations qui sont laides ou tristes, ça l'attriste. Donc, pour dire que la personne qui est dans sa tombe, elle est affectée. Elle est touchée par ça. Donc ça, c'est la position de qu'est-ce qui est mentionné à ce sujet. Inch'Allah. Comme par exemple, non, faire des doigts pour quelqu'un, c'est bon. Tu demandes à Allah de pardonner le mort ou de lui faire miséricorde. Ça, c'est bien. Il y a des doigts comme ça que le prophète s'est enseigné pour faire pour les morts. C'est-à-dire que tu demandes à Allah pour le mort. Pas de prier aux morts ou demander aux morts. Ça, c'est shirk. Ben oui. Parce que si tu pries pour quelqu'un, c'est-à-dire, oh Allah, pardonne le mort, fais-le rentrer au paradis, adoucis son châtiment. Mais si tu dis au mort, toi le mort, donne-moi quelque chose, ça c'est du shirk. Tu comprends? D'accord? C'est ça. C'est ça. Il y a des exemples où il y a un dalil pour certaines formes d'adoration. Puis pour d'autres, il n'y en a pas. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui disent si c'est permis pour une, ça veut dire que toutes les autres sont correctes, sont permis. Mais tu ne peux pas comme dire, par exemple, moi je vais faire raka'atayn, puis je vais envoyer la récompense de mes raka'atayn à mon père ou à ma mère qui est morte. Ça, ce n'est pas permis, parce qu'il n'y a pas de dalil là-dessus. Et ce n'est pas toutes les actions qu'on peut faire pour un mort. Attends, laisse-moi juste voir. Je pense que j'ai trouvé une fatwa de Cheikh Ibn Uthaymeen. Ok. Al-Mustami' Ali Mahmoud Ahmed Al-Jamhouriya Al-Iraqiya Muhafazat Ninwa له مجموعة من الأسئلة نبدأ بهذا السؤال. يقول: هل يجوز قراءة القرآن على قبر الميت والدعاء له وما نوع الدعاء وهل يجوز أن يبكي عليه؟ يقول أيضا: هل يجوز أن يصام عنه أن يصلى بدلا عنه لأننا نقوم بختم القرآن عوضا عنه ونهدي هذه الختمة إلى روحه وإذا كان المتوفى صديق أو قريب هل يجوز لشخص أن يحج عن نفسه وعن المتوفى في نفس الوقت أفيدونا مأجورين. Donc ça c'est une question qui est vraiment complète. Et je pense que Inch'Allah la réponse, on espère que ça va être satisfaisante. Donc ils ont posé la question à Cheikh Ibn Uthaymeen qu'il y a un homme, ils ont mentionné son nom, ils ont mentionné d'où il vient, mais ça c'est pas important. L'important c'est Yanni la question. Ils ont dit, est-ce qu'il est permis de lire le Coran sur la tombe d'un mort et de faire un dua pour lui, c'est-à-dire quand tu demandes à Allah de lui pardonner ou de lui faire miséricorde et des choses comme ça, de le faire entrer au paradis, de ne pas le faire châtier en enfer, hein, ou bien de faire une autre forme de dua quelconque. Est-ce que c'est permis de faire ça pour le mort? Et est-ce que c'est permis de pleurer sur lui parce qu'il est mort? Et est-ce que c'est permis également de jeûner à sa place et de faire la salat à sa place, hein, s'il a manqué des prières? Et il dit, parce que nous on fait, ils font le khatm le Coran, parce que quand quelqu'un il meurt, des fois c'est ça ce qu'ils font dans certains pays, ils disent on va compléter le Coran au complet, on va le lire tout au complet pour le mort. Donc ils font le khatm, comme ils appellent ça, le khatm le Coran, c'est-à-dire de... Ouais, moi j'ai vu des gens qui l'ont fait une fois, ils prennent chacun une partie, et puis chacun lit une partie, et puis après ils disent on va donner la récompense aux morts, Ou bien sinon, il y en a qui engagent un récitateur professionnel pour dire, lui, il va réciter pour le mort. Et non, ça c'est des bidas, ça, ça c'est pas permis. Donc le cheikh, il dit ensuite, et est-ce qu'on peut donc faire lire le Coran au complet, puis de donner la récompense d'avoir complété cette lecture-là à l'âme du mort? Et il dit ça, c'est lorsque le mort est un ami ou un proche. Est-ce qu'on peut faire ça pour lui? Et est-ce que c'est permis à quelqu'un de faire le hajj pour quelqu'un d'autre qui est mort, en même temps qu'on le fait pour nous-mêmes? En même temps qu'on le fait pour nous-mêmes, est-ce que c'est permis? Donc le cheikh Ibn Uthaymeen nous répond. Il dit, al-jawab, qira'at al-Qur'an ala al-qubur bid'a. Il dit de réciter le Coran sur les tombes, c'est une bid'a. Lam tarid anin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'a pas été rapporté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wala an ashabihi. Et ça n'a pas non plus été mentionné de la part de ses compagnons. Et il dit, wa idha kanat lam tarid an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa la an ashabihi fa innahu la yanbaghi lana nahnu an nabtadi'aha. Donc on n'a pas le droit de l'innover nous-mêmes. Min indi anfusina, on n'a pas le droit de l'inventer ou de l'innover de nous-mêmes. Li anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala fi ma sahha anhu kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalala wa Et il dit, la preuve, c'est que le prophète Sansem a dit, dans ce qui a été rapporté de façon authentique, de sa part, ou à son sujet, c'est que toute chose nouvelle dans la religion, c'est une bid'a, c'est une innovation, et toute bid'a, toute innovation est un égarement, et tout égarement est dans le feu. Donc, l'obligation pour le musulman, c'est de suivre l'exemple de ceux qui ont précédé parmi les salafs, parmi les sahaba, parmi les tabi'in, ceux qui les ont suivis de la meilleure façon après. Yani, donc c'est ça le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Al-wajib ala al-muslimin an yaqtadu biman salafa min as-sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan hatta yakunu ala al-khayri wal-huda. Donc ils doivent les suivre, hein, ils doivent suivre les trois premières générations dans le bien jusqu'à ce qu'il soit sur le bien et sur la guidance. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, ça a été rapporté de façon authentique à son sujet qu'il a dit, la meilleure parole c'est la parole d'Allah et la meilleure guidance c'est la guidance du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء للميت عند قبره فلا بأس به. En ce qui concerne le fait de faire un dua pour le mort auprès de sa tombe, il dit il n'y a pas de problème de le faire. Il dit فيقف الإنسان عند القبر ويدعو لما ويدعو له بما تيسر مثل أن يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم قيه عذاب النار اللهم أدخله الجنة اللهم افسح له في قبره وما أشبه ذلك. وأما دعاء الإنسان لنفسه عند القبر فهذا إذا قصده الإنسان من البدع أيضا لأنه لا يخصص مكان للدعاء إلا إذا ورد به النص. Donc le cheikh il dit ensuite que il n'y a pas de problème pour le musulman de se tenir auprès de la tombe et d'invoquer pour le mort par qu'est-ce qu'il est facile pour lui de mentionner, comme le fait de dire oh Allah pardonne-lui, oh Allah fais-lui miséricorde, protège-le du châtiment de l'enfer, fais-le rentrer dans le paradis, et oh Allah, élargis-lui sa tombe, Et ainsi de suite, il y en a parmi les différentes formes d'invocation que quelqu'un peut faire pour lui-même lors de la, lorsqu'il est enterré dans sa tombe. Il dit, mais si la personne, elle avait une intention, son objectif c'était d'aller à cet endroit-là en particulier pour faire une invocation pour le mort, dans ce cas-là, ça rentre dans les innovations. Parce qu'il fait de cet endroit particulier un endroit spécifique pour le dua. Et on ne peut pas spécifier un endroit spécifique, dire qu'un endroit est spécifique à l'invocation, excepté s'il y a une preuve. Comme par exemple, tu vas dire, je vais aller à côté de la tombe de telle personne, puis quand je vais aller à côté de sa tombe, je vais faire un dua à cet endroit-là parce que, comme si tu dis, je risque plus d'être exaucé là parce que je suis à côté de cette tombe-là. Si tu le fais dans cette intention-là ou dans ce but-là, dans ce cas-là, ça c'est pas permis, ça rentre dans les innovations. Pourquoi? Parce que tu as spécifié que de faire un doigt à cet endroit-là, c'est mieux qu'ailleurs, sans que tu mentionnes une preuve, tu vois. Et c'est pas comme, par exemple, si tu vas faire un doigt dans la mosquée, tu dis, je vais faire un doigt dans la mosquée, parce que c'est un endroit où, yani, disons, Allah aime cet endroit-là, puis tout ça, donc ça c'est bien. Ou bien tu dis, je vais me mettre devant la Kaaba, puis je vais invoquer Allah. Oui, ça c'est bien, parce que tu as plus de possibilités d'être exaucé dans cet endroit-là que ailleurs, puisque c'est des lieux saints. C'est pas pareil que lorsque quelqu'un, par exemple, pense que de prier à côté d'une tombe, il va avoir plus de récompenses pour... être plus exaucé parce que la tombe de la personne c'est un pieux, hein, quelqu'un qui est vertueux, donc Allah va mieux l'entendre. Audoubillah, il y a, comment quelqu'un peut penser comme ça, hein? Mais il y a des gens qui pensent comme ça, on dirait. Ils pensent que quand il prie à telle place, hein, Allah va plus l'écouter, son doigt, et il va plus exaucer son doigt que lorsqu'il fait ailleurs. Sans qu'il y ait une preuve dans le Coran, dans la Sunna à ce sujet-là. Donc tu te limites au texte, et il dit, s'il n'y a pas de texte, hein, وَإِذَا لَمْ يَرِدْ بِهِ النَّصِ وَلَمْ تَأْتِ بِهِ السُنَّةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَإِنَّهُ أَعْنِي تَخْصِيصُ مَكَانٍ لِلدُّعَى أَيًّا كَانَ ذَلِكَ الْمَكَانِ إِذَا لَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعِ يَكُونُ تَخْصِيصُهُ بِدْعَى. Donc il dit, donc dans ce cas-là, si ça n'a jamais été mentionné dans la sunna, c'est-à-dire il n'y a pas un endroit, cet endroit spécifique que tu as mentionné ou que la personne a mentionné, qu'elle veut faire du'a à cet endroit-là, s'il n'y a pas de preuve du Coran et de la sunna pour confirmer ça ou pour supporter cet endroit-là, alors il dit, alors dans ce cas-là, ce n'est pas permis de spécifier que cet endroit-là est un endroit particulier pour le du'a. C'est pas permis si ça n'a pas été spécifié par la charia elle-même. Il dit, en ce qui concerne le jeûne, amma wa amma as-sawm lil-mayyit wa as-salat anhu wa qira'at al-Qur'an wa ma ashbaha dhalik min al-ibadat fa inna hunaka arba'atu anwa' min al-ibadat tasilu ila al-mayyit bil-ijma' wa hiya ad-du'a al-wajib alladhi tadkhuluhu an-niyaba والصدقة والعتق وما عدا ذلك فإنه موضع خلاف بين أهل العلم. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne le jeûne, pour faire le jeûne pour le mort ou à la place du mort, ou de faire la salat pour le mort, ou de réciter le Coran ou des choses de ce genre parmi les différentes formes d'adoration, alors il dit, il y a quatre sortes d'adoration qui, selon le consensus des musulmans, si tu le fais dans le but de le faire parvenir la récompense pour le mort, que ce sera valable et que ce sera permis. Il y en a quatre formes d'adoration que tu as le droit de transmettre la récompense ou que ça va être valable si tu le fais pour le mort ou à sa place. C'est quoi ces quatre adorations-là? Le cheikh il les a énumérées. Ça, c'est ce qu'on appelle al-niyaba. Al-niyaba, ça veut dire quand tu fais quelque chose pour quelqu'un ou à sa place. C'est as-sadaqa. La première, c'est as-sadaqa. C'est-à-dire de donner en charité ou de l'argent en aumône. Le deuxième, c'est al-idq, c'est-à-dire quand tu vas émanciper ou libérer un esclave. أربعة أنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع وهي الدعاء والواجب الذي تدخله النيابة. Donc le premier c'est le dua, le deuxième c'est l'obligation dans laquelle il y a la permission de faire cette adoration là à la place de quelqu'un, par bien c'est prouvé par une preuve. La troisième c'est as-sadaqa et la quatrième c'est al-idq, c'est-à-dire l'émancipation de l'esclave. Ça, c'est les quatre choses. Le dua, sadaqa, libérer un esclave. Puis là, c'est une adoration dans laquelle on a le droit de faire un niyaba, c'est-à-dire de faire à la place de quelqu'un d'autre, comme le hajj, par exemple. Si tu as fait le hajj pour toi-même, c'est permis que tu le fasses pour quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est mort. Hein? C'est permis, ça. Il y a des preuves à ce sujet-là dans la charia qu'il y a un niyaba dedans. Donc, tu as le droit dans ce cas-là de le faire pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est les quatre au sujet desquels il y a le consensus des savants de l'islam à ce sujet-là. Mais en dehors de ces quatre, le cheikh, il dit qu'il y a divergence entre les ulama. Il dit, en dehors de ces quatre, il y a divergence. Il dit... وما عدا ذلك فإنه موضع خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من يقول إن الميت لا ينتفع بثواب الأعمال الصالحة إذا أهدي له في غير هذه الأربعة. Donc le cheikh dit qu'il y a parmi les ulama certains qui disent que le mort ne va pas profiter d'aucune récompense des bonnes œuvres que tu fais en dehors de ces quatre. En dehors de ces quatre, non. Aucune des bonnes actions que tu fais, tu peux le donner au mort. Il ne peut pas en profiter. لكن الصواب, le cheikh dit, لكن الصواب أن الميت ينتفع بكل عمل صالح جعل له إذا كان الميت مؤمنا ولكن لا نرى أن إهداء القرب إلى الأموات من الأمور المشروعة التي تطلب من الإنسان بل نقول إذا أهدى الإنسان ثواب عمل من الأعمال أو نوى بعمل من الأعمال أن يكون ثوابه لميت مسلم فإنه ينفعه ولكنه غير مطلوب منه أو مستحب له ذلك والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أمته إلى هذا العمل بل ثبت عنه في الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة. Donc on va lire qu'est-ce que ça veut dire ici. Il a dit, la position correcte, c'est que le mort, il peut profiter de toute bonne action, de toute action qu'on fait, si le mort, toute action qu'on fait pour, bonne action qu'on fait pour le mort, si ce mort était un croyant. Mais, il dit, mais par contre, on considère, Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, je considère que c'est pas quelque chose qu'on doit faire, de donner à un mort des bonnes actions parmi les choses qui sont légiférées et qui sont demandées à un être humain de faire. On dit plutôt que de donner à quelqu'un la récompense pour une action parmi les actions d'avoir une intention de faire une action parmi les actions et de donner aux morts la récompense de cette action-là, alors que ce mort est musulman, فَإِنَّهُ يَنْفَعُهُ. On va dire, oui, ça peut lui profiter, mais ce n'est pas quelque chose qui est demandé ou qui est exigé de sa part ou qui est recommandé pour lui de le faire. C'est-à-dire, si tu le fais, ça va et ça peut être bon pour le mort. Mais ce n'est pas quelque chose qui est légiféré ou qui est demandé ou qui est recommandé de faire. Et la preuve de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné ou indiqué à sa umma ou orienté sa umma vers le fait que l'action, cette action-là que tu fais, c'est bon, yani de le donner à un mort. C'est rapporté dans le sahih de l'imam muslim que Abu Huraira a dit que lorsque un être humain meurt, toutes ses actions sont coupées, excepté trois catégories de personnes. Excepté trois catégories d'actions de personnes. As-sadaqatul jariya, sadaqatun jariya. Donc une sadaqa que tu donnes et qui continue à se donner même après ta mort. Comme un livre que tu as écrit. Après ta mort, les gens continuent à le lire et à le publier. Donc tu as encore des récompenses même après ta mort. Aw ilmun yuntafa'u bihi. Donc ça c'est plus le livre, c'est plus, ça rentre plus dans cette catégorie-là, la science qui est profitable aux gens. Mais la première catégorie, ce serait plutôt de laisser, comme par exemple, t'as ouvert une école ou une mosquée, ou t'as ouvert, t'as creusé un puits, ou t'as planté un arbre à fruits, et les gens en profitent après ta mort. Ça, c'est une sadaqa jariya. D'accord? La deuxième, c'est une science que tu as laissée qui profite aux gens. Donc ça aussi, c'est une bonne action, hein, comme un livre, tu as écrit un livre ou tu as fait quelque chose dans ce genre-là, tu vas avoir des récompenses pour ça. Et un enfant pieux qui invoque pour lui. وَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَعْمَلُ لَهُ أَوْ يَتَعَبَّدْ لَهُ. C'est ça. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il n'a pas dit dans ce hadith un enfant pieux qui fait des actions pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit un enfant pieux qui fait des actions pour lui. Il a dit un enfant pieux qui invoque Allah pour lui, qui fait des doigts pour lui. C'est pas la même chose. Oui. Un enfant pieux qui fait des doigts pour lui. Pas un enfant pieux qui va faire des adorations pour lui. Tu comprends? C'est pas la même chose les deux. Comme si tu fais doigts, ça veut dire que tu vas prier à Allah pour que Allah va lui pardonner ou le rentrer au paradis. Tandis que faire une action pour lui, c'est-à-dire tu vas dire, ah, je vais faire deux rak'at, puis je vais donner la récompense. Ou je vais faire d'autres actions, puis je vais donner la récompense. Non, ça c'est pas... chacun il a ses actions. Et même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le péché, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Pas faire porter le poids d'un péché à quelqu'un d'autre. Et une fois que tu es mort, tes actions sont finies. Hein? Donc, quelqu'un ne va pas être responsable de tes péchés. Et s'il est mort, ben, tu ne peux pas lui profiter. Hein? Tu peux faire des doigts pour lui, mais c'est tout. Ou bien s'il y a un dalil, comme les exemples qu'on a donné, les quatre choses. Ok. Sinon, tu ne peux pas. Et il termine le cheikh en disant donc, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ou un enfant qui agit pour lui ou qui travaille pour lui, ou bien il y en a qui fait des adorations pour lui, c'est-à-dire qui fait un jeûne pour lui ou qui fait une salat pour lui ou des choses comme ça. Et ça, c'est pour indiquer que. Il y en a wa huma ishara ila anna alladhi yanbaghi ينبغي والذي يشرع هو الدعاء لأمواتنا أي نعم ولا إهداء العبادات لهم والإنسان العامل في هذه الدنيا محتاج إلى العمل الصالح فليجعل العمل الصالح لنفسه وليكثر من الدعاء لأمواته فإن ذلك هو الخير وهو طريق السلف الصالح رضوان الله رضي الله عنهم. Donc le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ou bien un enfant qui agit pour lui ou qui fait des actes d'adoration spécialement pour lui comme le jeûne ou la salat ou d'autres adorations en particulier. Et ça c'est pour indiquer que c'est pour indiquer que ce qu'on doit faire c'est ce qui est légiféré, comme de faire des du'as pour notre umma, et non pas de donner les adorations qu'on a fait à ces morts-là, hein, de leur offrir nos œuvres. Parce que l'être humain, qui fait des actions, des bonnes actions dans la vie d'ici-bas, lui-même, il en a besoin de ces bonnes actions-là. Hein? Lui-même, il en a besoin de ces bonnes actions-là. Donc, s'il les donne à quelqu'un d'autre à chaque fois, il n'aura plus de bonnes actions. Hein? Donc, ça, c'est juste un exemple que le cheikh donne. Et en même temps, il a dit, la ihda al-ibadat ilahum, والإنسان العامل في هذه الحياة محتاج إلى العمل الصالح فليجعل العمل الصالح لنفسه. Donc c'est ça. Donc il dit, et donc celui qui fait des bonnes œuvres, qu'il fasse des bonnes œuvres pour lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala dit من عمل صالحا فلنفسه. Il y a un verset comme ça dans le Coran. Celui qui fait une bonne action, c'est pour lui-même. Et qu'il fasse beaucoup de dua pour ses morts. Parce que c'est quelque chose de bien. Ça, c'est une bonne action pour eux. Et c'est ça la voie des salaf al-salih. Ridwanallahi ta'ala alayhim. Radiyallahu anhum. Exactement. Bon, mais alhamdulillah, je pense que ça répond un petit peu. Hein? وفيك بارك أخي نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين